Mademoiselle Michonneau entra doucement, salua les convives sans rien dire et s'alla placer près des trois femmes. « Elle me fait toujours grelotter, cette vieille chauve-souris, » dit à voix basse Bianchon à Vautrin en montrant Mademoiselle Michonneau. « Moi qui étudie le système de Gall, je lui trouve les bosses de Judas. »« Monsieur l'a connu ?» dit Vautrin. « Qui ne l'a pas rencontré ?» répondit Bianchon. « Ma parole d'honneur, cette vieille fille blanche me fait l'effet de ces longs vers qui finissent par rongir une poutre. « Voilà ce que c'est, jeune homme, » dit le quadragénaire, en peignant ses favoris. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. « Ah ah, voici une fameuse soupe au rama, » dit Poiré, en voyant Christophe qui entrait, en tenant respectueusement le potage. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit Madame Vauquet, « c'est une soupe aux choux. » Tous les jeunes éclatèrent de rire. « Enfoncé, Poiré. Poirette, enfoncé. « Marquez deux points à Maman Vauquet, » dit Vautrin. « Quelqu'un a-t-il fait attention au brouillard de ce matin ?» dit l'employé. « C'était, » dit Bianchon, « un brouillard frénétique et sans exemple, un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif, un brouillard goriot. »« Goriorama, » dit le peintre, « parce qu'on y voyait goutte. »« Eh, Milord Gaoriot, il être question de V.O. »